tout au bout du chemin était là. Si à chaque matin où je suis incertain, je ne te vois pas, t'es là. Quand je pense à tes je t'aime, parfois je sens ta main dans la mienne et j'y crois. Sans doute j'ai mes problèmes, je n'en ferai pas de scène. Bien sûr ma vie est sereine. Pendant des heures, des fois, j'imagine que je te vois, et t'es là. Je voudrais ton odeur, juste pour calmer la peur, de passer encore des heures sans toi. Thank you.